soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutre, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, tour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce lundi 29 juillet 2024. Et oui, un générique des mots des sons sensibles parce qu'un peu d'actu info en cet été, en effet, et dernière semaine de ce mois de juillet d'ailleurs. On vous a déjà proposé quelques rendez-vous semaine dernière. Bref, Dio continue à prendre ses quartiers d'été tranquillement, et ce sera d'ailleurs véritablement la dernière ligne droite en termes d'infos actu, mais l'occasion de revenir tout de même sur ce qui peut faire l'actualité avec quelques programmes divers et variés qu'on vous propose. Ce fut le cas semaine dernière et ce sera encore le cas cette semaine avec l'Université des Terres, université d'été proposée par Radio Primitive, notre radio cousine Fer à Rock de Reims, avec le chapiteau et l'assaut du Temps des Cerises, qui pour la deuxième année d'ailleurs propose un cycle de rencontres et de conférences du côté de Reims et qui font l'objet d'enregistrements par Radio Primitive, Université des Terres. Et on va vous proposer à nouveau cette semaine des diffusions donc de ces diverses rencontres, conférences. On parlera de sudalisme cette semaine, l'imaginaire qui nourrit le racisme, à propos d'un ouvrage dans le cadre des soirées de la décolonialité d'ailleurs. Et puis on vous parlera encore de jardin, avec un jardin qui fait du bien et une expérience d'écologie populaire avec l'association De l'autre champ. Voilà pour les deux propositions cette semaine, après avoir parlé de Rojava et d'autres propositions, conférences gesticulées, notamment autour de l'accueil de jeunes migrants en France, conférence gesticulée radiophonique. Ça, c'était semaine dernière. Bref, voilà pour le menu qui vous attend cette semaine. Et puis quelques infos au travers de ce programme. Des sons sensibles davantage en formule light et estivale. On va vous proposer, et je vais vous proposer aujourd'hui, de revenir sur le festival, événement attendu cette fin de semaine. Et oui, c'est la 18e édition du Forestival qui revient cette fin de semaine et nous serons bien sûr comme chaque année en début de mois d'août, ce week-end des 2, 3 et 4 août, nouvelle édition du Forestival. Alors l'occasion aujourd'hui d'en consacrer bien une émission spéciale avec tout d'abord une interview réalisée sur l'édition dernière, celle 2023. Et oui, en effet, j'étais présent sur cette édition pour couvrir l'événement et assurer quelques interviews. Eh bien, rencontre au sommet avec un artiste, grande figure de la musique reggae, l'artiste jamaïcain Max Romeo, qui était en tournée française l'année dernière, de passage au Forestival, l'occasion d'une rencontre interview. Et donc, j'ai tenté d'en faire comme ça, traduction et petit montage que je vous proposerai durant cette émission. Juste auparavant, puisqu'il va être encore question de reggae aussi en programmation sur cette édition 2024 du Forestival, nous allons en parler avec Loïc de Chavanne, qui est un des co-programmateurs de ce festival aux côtés de son collègue Damien Flandin. Et nous parlerons programmation, donc on va le retrouver d'ici un instant, lui qui est sur site, sur place, en plein montage, en plein préparatif. Dernière ligne droite, on le retrouve d'ici un instant en interview phoneur sur le 895 de Dio. Pour ouvrir ce programme, et bien précisément plonger en musique dans cette édition 2024 du Forestival avec avec un septet assez improbable, hors du commun en tout cas, venu tout droit de Rio de Janeiro, qui mélange chaleur des cuivres à la puissance des beats répétitifs, d'où leur nom Technobrass, qui seront en concert le 4 août au Forestival à Trelin. Donc un groupe qui a déjà tourné en France depuis quelques années dans les grands festivals, que ce soit le Paléo Festival en Suisse, Le Bout du Monde en Bretagne et d'autres encore en Europe. Ils viennent de sortir un nouvel EP, sans doute un album à venir. Bref, ils sont assez imposés sur la scène indépendante, un groupe créatif, instrumental en grande partie. Des compositions originales, bien sûr, hypnotiques, enivrantes, techno. Vous allez l'entendre, ils ont réuni des musiciens de la scène jazz et du carnaval alternatif de Rio. Technobrass, que je vous propose de découvrir avec le titre Praia, avant de retrouver donc le Forestival en direct, sur site, sur place, au téléphone. Loïc, programmateur, d'ici un instant. En attendant, on écoute Technobrass sur le 895 Dio. Thank you. Voilà un extrait de Techno Brass issu de leur maxi EP Dark Obregio, si je prononce à peu près correctement, EP qui vient de sortir et groupe qui est programmé dans le cadre du Forestival édition 2024, comme je le disais, 18e édition qui va s'ouvrir ce week-end, premier week-end d'août comme habitude, et au bout du fil. Et là-bas, sur site, sur place, à Trelin, en pleine campagne, en plein préparatif, on retrouve Loïc, qui est avec nous, de Chavannes, co-programmateur du festival. Loïc, tu m'entends ? Bonjour, ça va et toi ? Salut à toi, bah écoute, tout va bien. Merci d'être avec nous sur Duo, en plein été, sous le Cagna. Exactement, le soleil qui fait du bien pour préparer, où tout le monde est là déjà sur site depuis plusieurs jours déjà, ça bosse dur depuis 3-4 jours sur site. Un beau soleil, une belle ambiance. Pas trop chaud. Un beau week-end qui s'annonce en perspective. Eh ben oui, pas trop chaud pour l'instant, ça va, pas trop en souffrance. Non, ça va, ça va. En plus, en étant au bord de l'eau avec le Lignon juste à côté qui borde le site, il y a quand même des petits allers-retours qui se font les pieds dans l'eau régulièrement dans la journée, quoi. Bon, alors tout se passe bien à quelques jours de l'ouverture. On le rappelle, c'est ce vendredi que s'ouvrira ce Forestival 2024. Comment cela se passe pour vous, là, tu le disais, depuis plusieurs jours en montage ? Il s'agit de mettre en place tous les équipements, bien sûr, toutes les installations, toutes les structures et accueillir tout le beau monde attendu, des milliers de festivaliers attendus à partir de vendredi. Eh ben, on se prépare de manière très positive et constructive dans le sens où déjà on a une billetterie qui annonce encore une année record pour nous. Déjà on aborde les choses assez sereinement. Puis 18 ans, c'est l'âge de la majorité, donc on grandit aussi. Et sur site, il y a déjà les techniciens parce qu'il y a pas mal de nouveautés sur notre lieu cette année encore, avec un changement de scène encore. On prend une scène encore plus grande et plus adaptée au regard des shows techniques qui nous attendent. Et puis le groupe qu'on a pu écouter également, Technobras, avec une nouvelle scène qui va arriver, la scène Magma, où on va pouvoir se faire plaisir en termes de programmation. Donc il y a pas mal de nouveautés sur site qui demandent plus de travail en amont sur le lieu du festival. Mais voilà, il y a une grosse équipe de bénévoles, d'orgas qui travaillent jour et nuit. Et oui, vous êtes nombreux, hein. Vous êtes quoi aujourd'hui, vous, 11 salariés ? Alors, l'équipe du Forestival, elle se constitue de 11 salariés, parce que le Forestival, il y a le festival en lui-même, il y a toute une partie booking aussi à côté. Mais 11 salariés, 50 organisateurs environ, et puis après, pendant l'événement, 650 bénévoles. 700 même, je crois, cette année. Ouais, je crois que c'est 700, 750 bénévoles sur site. Et puis un petit noyau, effectivement, d'une cinquantaine ou 80, entre 50 et 80 bénévoles actifs quand même tout au long de l'année. Exactement. C'est-à-dire que le noyau du Forestival et l'ADN du Forestival vient de l'époque des jeunes de Trelin, tout ça. Et 18 ans, on a tous un petit peu vieilli, hein, la quarantaine et plus maintenant. Mais le noyau est toujours là, voilà, la transmission est là aussi, hein. C'est important de transmettre aussi aux nouveaux, aux jeunes qui souhaitent s'inscrire dans le projet. Et puis, c'est un projet où chacun trouve sa place à différents moments pendant le montage, hein, parce qu'il y a du boulot pour tout le monde. Hein. Donc, c'est vraiment des beaux moments à vivre collectivement où on est un petit peu dans une parenthèse trelinoise pendant 10 jours. Là. Oui, une petite bulle. C'est une petite bulle qui s'installe. Ah. Et alors, tu le disais, première... édition, c'était en, je sais plus quelle année, mais 2005, non ? Pour le festival avec La Pige, tu le parlais de cette association de jeunes qui avait monté ce festival au départ. 3500 ouais. Festivaliers pour la première édition. Vous ouais. En êtes aujourd'hui à quoi, 10 fois plus au moins ? Parce que tu parles de record attendu, oui, même si votre jauge est... Parce que l'année dernière, on avait atteint 40 000 personnes sur 3 jours. Et cette année, on est parti pour faire plus encore. Vous êtes en mesure d'accueillir plus ? Oui, on est en mesure d'accueillir plus, hein, le samedi notamment, et le dimanche qui risque d'être notre dimanche record hein, depuis le début. Mais on n'est pas dans un objectif de remplir indéfiniment. Hein. L'idée, nous, c'est d'améliorer de plus en plus la vie des festivaliers, la vie des orgas, des bénévoles, des artistes. Enfin, on est plus sur l'amélioration maintenant. Voilà, pour nous, accueillir 40 ou si jamais on fait 41 ou 42 000, en termes d'organisation et de structure, on est en capacité de le faire. On a les compétences, donc on va aller un petit peu au-delà, mais c'est pas une volonté constante de vouloir faire plus d'année en année. Hein. C'est vraiment le public qui répond de plus en plus présent et de plus en plus tôt. C'est-à-dire qu'on va vraiment toute une partie du public qui prenne ses billets dès l'ouverture de la billetterie en septembre-octobre pour l'année suivante. Et c'est vrai que on voit vraiment qu'on a un public de plus en plus fidèle et de gens qui viennent chaque année avec d'autres amis en plus. Donc ça s'élargit progressivement au niveau du territoire aussi. Donc c'est chouette pour nous, cette fidélité. Et oui, bien sûr, une fidélité qui est là depuis de longues années, 18e édition, 10 ans d'existence sous cette entité FZL, hein, qui est l'asso désormais qui porte le festival, avec différents néanmoins pôles d'activité, tu le disais, pour l'asso, puisque vous êtes à la fois producteur d'événements, alors tels que le festival en tant que tel, le Forestival, mais aussi des concerts qu'on a l'occasion de retrouver tout au long de l'année, dans les salles de la région, je dirais. Et puis vous avez une grosse partie production, de tournée, de management d'artistes, avec différents catalogues. Est-ce que précisément, alors pour les citer, il y a Phase B, NMB, Night City, qui font donc partie de cette activité aussi, de votre réalité, de votre activité. Est-ce qu'il y a justement des artistes programmés issus aussi de ce travail que vous menez aussi, plus ou moins dans l'ombre, mais qui est peut-être moins méconnu ou moins connu, en tout cas, de FZL ? Bah, on a des artistes forcément un petit peu aussi de nos catalogues, hein, c'est une certitude, parce que Anom et Vein, un groupe avec qui, ben, de côté Phase B, on travaille, groupe de la région, ouais, exactement, où on travaille beaucoup avec eux. Et puis l'idée, c'est de mettre en avant, hein, comme Myra, qui va jouer sur le dimanche sur la scène Magma, c'est une artiste Phase B également. Voilà, l'idée toujours, c'est de mettre en avant certains de nos artistes chaque année, voilà, parce que effectivement, on a un catalogue assez important et en fonction du line-up et de la couleur des soirées qu'on va proposer, trouver une place qui corresponde à l'artiste. Et voilà. Donc c'est vrai que toute la partie booking à l'année, c'est quelque chose qui est peu visible pour la plupart des personnes ici ou aux environs, ou n'ont pas forcément connaissance de tout ce qui est fait par le Forestival en booking et en production à l'année. Mais c'est un travail assez phénoménal, hein, qui est fait par mes collègues salariés. Eh ben oui, ça c'est aussi un travail de fond. Et tu le disais, alors un ou deux artistes, mais parce qu'on là il y a quoi, une quarantaine d'artistes, hein, qui est programmé sur l'ensemble du festival avec des esthétiques vraiment très très diverses. Mais du coup, c'est combien d'artistes programmés issus de vos catalogues ? On va en avoir trois cette année. D'accord. Trois, et puis des artistes avec qui on travaille aussi, pas forcément sur le booking, mais avec qui on a des chouettes relations aussi et que on invite aussi par plaisir et parce que esthétiquement et musicalement, c'est des artistes avec qui on s'entend très bien, comme Nagai par exemple. Et par exemple, un artiste qui est déjà très connu et qui va venir pour un projet assez unique avec 4 dates en France, Attili, qu'on a aussi dans le catalogue NMB, et qui vient avec son frère Telly. Telly, son projet solo plus connu sous le nom de Bigarang, par exemple. Voilà, ça c'est le fruit du travail du booking et du travail de fond qui est fait par NMB. D'accord. Et puis alors d'autres artistes qui vont compléter cette programmation 2024, bien sûr. Un focus, hein, quand même sur nos artistes aussi locaux ou régionaux, qui sont quand même bien représentés sur l'ensemble de cette programmation. Eh ben, ça fait partie de l'ADN du Forestival. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de l'équipe, on est tous du coin, on souhaite mettre en avant notre territoire et ce qui se produit ici. Et aussi permettre à des groupes de jouer dans des conditions adaptées et de jouer chez soi. Hein. Donc c'est vrai que cette année encore, on va avoir le groupe Brique Argent qui va venir le vendredi en ouverture. Voilà, ça nous tient toujours à cœur de mettre un groupe du coin en ouverture le vendredi. Et puis on va laisser aussi 2 cartes blanches à l'association Galatée. Association de musique trelinoise, voilà, donc ils vont venir avec DJ et tout ça pour faire l'ouverture sur la scène Magma, cette nouvelle scène qu'on ouvre. Et l'association To Your Tap Production, association rouennaise aussi, avec qui on a des chouettes liens aussi, qui vont venir mixer aussi le dimanche en ouverture. Donc l'idée est toujours là, de mettre en avant les assos qui se bougent, les acteurs du territoire, et de les mettre à une jolie place, qu'ils soient le plus visibles pour tout le monde, quoi. Ouais, et puis on retrouve d'autres artistes du coin. Je pense à Malaka, je pense à MC Pampi, voilà, Sound System. Bref, il y en a quelques-unes vues déjà par ici. Exactement. Malaka, ça fait partie de nos coups de cœur qu'on a eu assez rapidement. Et puis rouennaise, parce que très souvent, on nous envoie des propositions de mails en groupes régionaux, tout ça. Et Malaka, qui a un nom, moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et de booking qui me contacte pour un groupe régional, tout ça. Et je pensais que c'était un groupe beaucoup plus loin, et quand on a découvert qu'elles étaient de Rouen et du travail qu'elles effectuaient, c'était une évidence de les programmer. Et oui, et puis alors une ouverture aussi en termes de programmation, Loïc, parce que c'est aussi vers d'autres disciplines, du spectacle vivant, l'art de rue, l'humour, qui aussi prennent leur place cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un ou deux mots ? Eh ben, toujours dans cette envie de s'ouvrir aux autres et de travailler avec les acteurs du territoire, cette année, on a travaillé aussi avec le Festival Art Comique, avec qui on est en lien depuis 2 ans, avec qui on discute déjà depuis 2 ans, pour essayer de faire venir des humoristes mêler humour et musique. Et on cherchait un petit peu la manière de faire ce lien. Et en fait, en discutant et en étant au Festival Art Comique cette année, une nouvelle fois, on s'est dit que la meilleure des choses, en fait, c'était de trouver le stand-up qu'ils font déjà avec l'Art Comedy Club, où il y aura 4 humoristes par jour qui viendront sous le chapiteau bazar de 14 à 15 pour faire du stand-up. Et voilà, c'est quelque chose de nouveau. Bien sûr, c'est évidemment gratuit une fois sur site. Et l'idée, c'est de proposer en journée mettre en avant tout ce qui se passe dans la région et mettre en avant aussi de l'humour, chose qu'on n'avait pas fait encore. J'ai envie de dire qu'au niveau de l'équipe, on a soif de culture et de travailler avec des nouvelles personnes d'année en année. Et ça fait partie des choses qui sont rajoutées et qu'on fait avec grand plaisir. Oui, et puis l'art de rue aussi, je disais, ça va être le cas pour l'ouverture vendredi au Bazar avec Dance Machine Volume, qu'on a vu aussi à plusieurs occasions dans différents cadres d'ailleurs aussi localement. Exactement. C'est toujours dans ce même maillage, cette volonté de proposer des choses différentes. Plus d'animation en journée, alors on souhaite pas que ça devienne Disneyland non plus, hein, mais proposer des choses un peu différentes en journée et proposer des choses assez atypiques pendant le festival, que ce soit vraiment un vrai moment de vie, que le soir et en fin d'après-midi il y a la musique et qu'en journée il y a des choses un peu autres, et Dance Machine qui viennent ou MC Pampi, voilà, l'idée c'est d'offrir aussi un côté un peu décalé et art de rue au festival et aux festivaliers qui à un moment ou un autre souhaitent découvrir autre chose en dehors de la programmation artistique. Ouais. Et puis il y aura même une nouvelle discipline, hein, le sprot, hein, qui sera à découvrir le dimanche. on s'attend à un gros succès. Ça va être un moment assez drôle et très sympa encore une fois. Voilà, pour les sportifs du dimanche et surtout de lendemain de festival et de forestival surtout. Alors tu le disais, plusieurs nouveautés et notamment nouvelle scène. Est-ce que juste, parce que tu peux aussi peut-être nous rappeler un peu la configuration du site finalement, avec cette nouvelle scène, Magma, le Bazar, la scène des Monts, la Plaine, voilà, est-ce que ce sont des scènes dédiées? Comment vous fonctionnez? Comment vous articulez l'ensemble de la programmation et des prestations? En fait, on a 2 scènes l'une en face de l'autre, hein, la scène principale qui s'appelle la scène Mont, qui est la plus grosse scène, voilà, où en général on fait venir les plus gros groupes, enfin, qui est au niveau contraintes techniques ou autres. Face à elle, on a la scène Plaine, donc voilà, une scène assez, relativement importante encore, hein, mais voilà, c'est des tailles de scène qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 5-6 ans encore. Et quand l'une s'arrête, l'autre enchaîne, on est vraiment sur un ping-pong, voilà, on laisse 5 minutes entre les 2 temps de set, histoire que le public puisse, pas besoin d'aller courir pour aller sur la scène d'en face ou autre. Et la nouveauté qu'on va avoir avec ces 2 scènes en plus, jusqu'à présent on avait notre chapiteau, voilà, notre chape qu'on a adoré faire pendant des années et qui avait vraiment son public, mais on s'est rendu compte que on avait une partie du public qui restait sous le chape, qui n'allait pas du tout sur site, et inversement on avait un public du site qui n'avait même pas notion de ce qui se passait sous le chape. Et voilà, on voulait améliorer la qualité d'accueil au niveau technique des artistes qu'on faisait sous le chape, parce que c'était 1500-2000 personnes sous le chape, et d'un point de vue technique, on était arrivé aux limites du fonctionnement du chapiteau, donc on a préféré changer et mettre une scène directement, une scène dédiée, Magma, qui va avoir sa propre déco et ses propres animations en même temps, où elle va jouer à partir de 17h, 18h, voilà, avec différents groupes de renom. Mais voilà, on a ces 3 scènes en même temps sur site, plus à côté le chapiteau Bazar, qui là, c'est un peu le chapiteau déjanté, qui commence à partir de 20h30, où justement on va avoir les animations avec MC Pampi, avec Dance Machine, on va avoir du loto bingo, on va avoir un karaoké géant, enfin tout ça, de moments assez loufoques et particuliers, où bon nombre de festivaliers vont faire un tour à un moment ou un autre de la soirée, ou pour clôturer la soirée, parce que c'est assez fou ce qui s'y passe là-bas. Ça va être assez fou hein, de toute façon, sur tout ce qui se passe en effet sur le Forestival. Et justement, ces scènes, quels artistes vont-elles accueillir? Est-ce que tu peux, alors je le disais, c'est une quarantaine d'artistes, c'est une programmation quand même dense, mais juste en quelques mots, nous dire quand même comment tu as abordé cette programmation 2024, qu'est-ce qu'on va retrouver, quels sont peut-être un peu tes coups de cœur. On le sait, hein, la programmation a été un peu bousculée, bien sûr, par l'annulation des Dubbing qui devaient assurer leur seule date ligérienne 2024 sur le Forestival. Problème de santé, priorité bien sûr au repos et se remettre afin de revenir d'autant plus fort. Et donc quelques solutions de remplacement qui ont été proposées. Mais voilà, comment as-tu travaillé, ou vous avez, parce qu'on le rappelle, il y a Damien aussi, hein, Flandin, qui coprogramme tout de même avec toi. Comment vous avez concocté cette programmation 2024? Ça a été un travail un peu d'arrache-pied, hein, parce que bon, chaque année, on a toujours cette petite habitude avec Damien quand on clôture le festival à 3h du mat et qu'on ferme, et on se dit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Chaque fois, on a la même phrase et on se dit, ben, on ne sait pas, mais on va profiter de l'instant et de ce qu'on vient de vivre. Donc c'est vrai qu'on construit toujours un peu en fonction des opportunités. Donc on travaille déjà sur 2025 en ce moment, avec des premiers noms, des premières options d'artistes. Mais toujours cette idée de ne pas se laisser de limites. Et d'autant plus cette année avec une vraie scène, la scène Magma, qui nous permet vraiment de pas rester sur du DJ set, voilà, de vraiment accueillir des groupes et d'élargir encore plus la programmation. Voilà. Je crois que c'est vraiment ce qui nous motive le plus avec Damien, c'est de surprendre. Bien sûr, on a eu cette énorme déception de l'annulation de Dubbing, mais une déception mesurée dans le sens aussi où l'état de santé, voilà, c'est ce qu'on a bien pu dire à l'équipe et à tout le monde, voilà, ça reste la priorité. Nous, on reste un événement et la santé, c'est bien plus important. Mais voilà, on a eu une construction assez délicate parce qu'il a fallu rebondir à 2 mois de l'événement pour trouver des artistes disponibles un samedi, période de festival. On a bien remué ciel et terre pendant 15 jours. Une certaine fatigue et autres, mais on est très très content du résultat parce que du coup on va être sur un samedi record en termes d'affluence et puis surtout des artistes qu'on n'aurait pas imaginé faire cette année. Et par exemple Rodrigo et Gabriela qu'on fait cette année, les artistes mexicains dont on parlait depuis des années, et finalement là, cette année c'était pas possible et finalement ça a pu se faire. Donc on s'attend à un événement vraiment très important. Et comment vous tentez justement de satisfaire aussi, alors c'est jamais le cas à 200% bien sûr, hein, mais quelque peu peut-être les attentes ou aller piquer un peu les curiosités, comment vous travaillez ça? C'est un énorme travail de fond. Moi, j'ai encore eu quelqu'un tout à l'heure qui me disait, un bénévole qui me disait, est-ce qu'on peut t'envoyer un mail ou de ce que j'aime bien ou mes coups de cœur? Et bien évidemment, c'est ce que je dis, on se nourrit vraiment des autres. Que ce soit avec Damien, moi je le dis assez souvent, mais on se nourrit de des personnes qui nous entourent, que ce soit des salariés, des orgas, des bénévoles, des amis, de ce qu'on va chercher sur les médias, des festivals qu'on peut faire à droite à gauche, des lives qu'on va voir toute l'année, et puis voilà, de ce qui se passe sur les réseaux aussi, quoi, parce que maintenant ça a une place aussi qui est importante, et ça nous a permis de trouver des pépites encore cette année, des pépites musicales qui il y a un an on connaissait pas, hein, très honnêtement, hein. Commodrag and the Moon Odor, par exemple, en rock, qui vont venir jouer le dimanche, ça fait partie de nos coups de cœur, avec un rock un peu années 70s, de groupes qui se réunissent, de batterie sur scène, enfin, avec un esprit vraiment 70s rock, ça va surprendre du monde. Mais ça nous fait plaisir, ils vont jouer entre Zao Zagazan et PLK, autant dire qu'ils vont avoir du monde, et c'est ce qui nous anime le plus avec Damien. Surprendre tout en essayant d'amener un public vers ce qu'il veut et en lui laissant la possibilité de découvrir autre chose. Voilà, prendre des belles claques, quoi. Et oui, de la découverte, et oui, chose pas forcément évidente. Est-ce que vous estimez que vous avez une esthétique cible et un public cible? Le public cible, il s'est tellement élargi avec les années. Effectivement, on vise toujours les plus jeunes, entre guillemets, parce que comme on a pu le faire avec Gazo ou PLK par exemple, un public un peu plus jeune, parce que c'est aussi l'avenir de notre festival. Mais notre public cible, il est tellement large maintenant que on devient de plus en plus un festival un petit peu intergénérationnel, c'est-à-dire qu'en fonction des soirées on va pas avoir le même public. Voilà, l'année dernière Bernard Lavillier a ramené un public qui est venu vraiment pour la première fois au Forestival et qui semble encore revenir cette année pour le dimanche pour voir Pomme, Zao Zagazan et autres artistes. Donc on sait qu'on est sur une moyenne d'âge d'un public qui a 29 ans, je crois, cette année. Ok. Donc, et un public qui a vieilli avec ses années, donc on voit vraiment le public qui nous suit également. Donc c'est ça aussi notre grosse satisfaction, mais notre cible, en fait, elle est... on travaille toujours à contre-courant, c'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'à un moment on a beaucoup d'urbains ou beaucoup d'électro ou autre, on va vouloir aller à contre-courant clairement, et c'est ce qu'on propose. Par exemple, là cette année, parmi mes coups de cœur, on a Nova Twins qui vont revenir. Du coup, l'idée de fond du samedi, c'était de proposer deux beams que tout le monde attendait, et nous les premiers, et voilà, on savait qu'on allait faire une édition un samedi incroyable avec eux. Et ben, le contre-pied de, qu'on a eu envie de faire avec Damien, c'est de proposer un groupe punk urbain anglais, où en disant, en fait, ben, beaucoup de gens sont venus pour The Blink, peu se rappellent d'avoir vu Nova Twins chez nous il y a quelques années, mais ils vont prendre une putain de claque en live en voyant, en découvrant ce groupe et ces deux femmes jouant sur scène et qui vont surprendre du monde, véritablement. Donc on est animé par tout ça, par cette identité de surprendre, de proposer d'autres choses, et en se laissant quand même peu de limites. Voilà, alors effectivement, on n'a pas tous les styles musicaux chez nous, hein, mais on se laisse peu de limites, et on a envie de proposer toujours nos coups de cœur, et de proposer un line-up qui se veut cohérent, quoi. Absolument. Bon nombre d'artistes, PLK, Zao des Agazans, Pomme, Chinese Man, Creeds, Mokalamiti, Mira, Techno Brass, Jaël, Pampi. Pour le dimanche, ça vous donne une idée. Le samedi, Matmata qui est venu en remplacement des deux Bink, hein, compléter cette programmation. Rodrigo et Gabriella, le fameux duo guitariste. Meli aussi, Kid de Francescoli, Étienne de Crécy, Bécard, les Clédators et Congos. Là aussi, en remplacement des deux Bink, un peu en dernière minute, Nova Twins, ce fameux duo qu'on avait vu il y a quelques années, en effet, tu le disais, Loïc, El Gato Negro, j'en passe encore. Et puis le vendredi, donc ouverture avec Jane Tiff, artiste algérien, non ? Ouais, hein, c'est ça. Algérien, on a pu le voir il n'y a pas très longtemps en live, voilà, on est très content de le faire. Qui commence à émerger, ouais. Queen Omega. Ça a effectivement bien lancé le festival et avec, voilà. Pareil, il y a un artiste qu'on a signé en octobre-novembre, hein, donc voilà, qui a bien grandi depuis et qui pour Tiff, voilà, pour Tiff, Loïc. Pour Tiff. Ok, ouais. Que vous avez signé en fait. Pas signé au niveau du booking, mais qu'on a signé au niveau en contrat, quoi. Avec, ah oui, oui, pour le. Voilà, ok, je croyais que c'était. Ouais. Donc les choses sont allées assez vite, mais voilà, on a un vendredi avec Jen, bien sûr, reconnu au niveau international, et puis on va avoir. Ouais, c'est là où j'aime surprendre aussi, c'est qu'on va avoir Warhackles Orchestra en transe avec un orchestre symphonique autour. À live, ils sont 17 sur scène. Voilà, on n'a jamais eu un orchestre symphonique à Trelin. Bah, ça va être le cas cette année, hein. Un élan électro et musique symphonique. Le live est absolument incroyable. On est allé le voir au Transbo. Bah, ils ont fait deux dates au Transbo le même jour, hein, une à 19h et une à 23h. Et les deux étaient complètes et c'était incroyable. Hein. Donc, vraiment génial. Et à côté de ça, on aura bien sûr la Funky Family qui font 5 dates en France, et dont oui. La nôtre. Ouais. Donc ça aussi, ça va être un énorme événement encore. Je les avais au téléphone tout à l'heure encore pour préparer la date de vendredi. Mais voilà, la Funky Family, et puis un groupe aussi... Dans sa formation originale, Loïc ? Oui. Ouais. Ouais, ils sont tous là, sauf malheureusement Pone. Hein, non, voilà, pas Pone. Qui participait pas sur ce projet-là. Et oui. Mais toute l'équipe est là, toute l'équipe est au complet. Et très pour bien. Un concert qui s'annonce assez légendaire chez nous, très honnêtement, on a pu voir les images et de comment s'est passé le concert à Vitrolles, déjà, une ambiance de fou, quoi. Donc, voilà. Et puis le vendredi, autre coup de cœur, hein, je peux en parler des heures, mais on a Krav Boka aussi. Groupe rap, punk, quand même bien déjanté, un live à voir absolument. Un groupe qu'on a pu voir dans bon nombre de lieux alternatifs ou squats, ou de revendiquer beaucoup de choses, de soutien à beaucoup de projets en France, en Grèce, en Espagne, en Italie. Enfin, ils ont eu un nombre de dates assez incroyable et un live qui s'annonce complètement fou, hein, vraiment. Ça a l'air, au vu en tout cas des cagoules qu'ils peuvent porter sur scène. Mais voilà, ça c'est pour le vendredi. Oui, toute une belle programmation attendue. Vous avez tout, toutes les infos, le détail de cette programmation et autres détails aussi, infos, pratiques, historiques même, sur ce Forestival, forestival.com, en ligne, précédé des 3W bien entendu, et sur site, c'est sur place, à Trelin. C'est à partir de ce vendredi. Merci beaucoup Loïc. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et on vous souhaite une belle 18e édition. On vous espère de longues années encore à venir et à grandir, mais dans le qualitatif toujours autant que davantage quantitatif, je dirais. Festival toujours indépendant, ça aussi c'est quand même à souligner. Vous êtes autofinancé à 98%, hein, me semble-t-il, moins de 2% de subventions publiques. Exactement. Et on est autofinancé à 98%, on le tient tout ça à nos festivaliers, à nos valeurs aussi, et voilà, je rappelle que Trelin, c'est un village de 600 habitants, donc voilà, on a un soutien local des élus et tout ça, mais on n'est pas à Lyon Métropole ou à Clermont ou dans des grandes agglos, donc ça a été de la débrouille, mais c'est ce qui a fait aussi la réussite de ce festival. Ouais, l'indépendance, une valeur... importante et précieuse, je dirais aussi, dans le contexte dans lequel on vit et les choses qu'on traverse parfois. Exactement. En tout cas, grand merci à toi. On se souhaite un bel été, une belle édition, et puis sans doute à ce week-end, mon cher Loïc. Exactement. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On va écouter Komodrag and the Moon Odor, un groupe, nous, pour son premier album qui a fait l'objet d'un partenariat Ferrarock avec notre fédération nationale. Donc, on avait déjà soutenu ici sur cette antenne. Un peu de guitare, un peu de rock. Justement, on va se faire plaisir et écouter un extrait de Komodrag and the Moon Odor en version live, justement. Ça va vous donner une idée de ce qui vous attend aussi ce week-end. Et puis, juste après Loïc, moi, je reviens sur l'édition 2023. Je vais faire transition comme ça entre les Gladiators et les Congos qui sont attendus cette année, Cédric Maiton et ses Congos, avec l'autre grande figure jamaïcaine que vous avez accueillie l'an dernier, c'est Max Romeo, qui était présent pour son édition 2023, l'Ultimate Tour, que j'avais rencontré et interviewé, et on va faire transition justement entre ces deux éditions avec l'interview que je proposerai là d'ici un instant après Komodrag and the Moon Odor de Max Romeo, réalisé l'an dernier. Ce sera la suite des programmes. Merci encore à toi, Loïc. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne fin de journée et courage pour les derniers préparatifs, dernière ligne droite. Avec du plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. I'm right. Komodrag and the Monodore en concert dimanche 4 août, scène pleine sur le Forestival à peut-être 21h50. Groupe qu'on a soutenu avec la Ferra Rock autour de leur premier album réalisé en terre finistérienne chez eux là-haut vers Douarnenez. Bref, c'est le Finistère, c'est la Bretagne. Green Fields of Armorica, et oui, album composé donc de 8 titres là-haut dans le Finistère, comme son nom l'indique. Très rock psyché, 70s, 7 musiciens, deux groupes finalement qui fusionnent et se retrouvent comme ça pour cette formation. Voilà pour Komodrag and the Monodore, donc dans le cadre de ce Forestival 2024. D'ici un instant, on fait transition entre le Forestival 23-24 avec le reggae aussi, dubbing annulé, remplacé par les Gladiators et les Congos, groupe jamaïcain mythique. Et bien précisément, les Congos, Cédric Myton, son leader, entre guillemets, on va le retrouver aussi en musique avec Max Romeo, que nous rencontrions l'an dernier, puisqu'il était programmé sur le festival Forestival 2023. Max Romeo, qu'on va retrouver en interview. J'ai tenté de vous proposer comme ça une interview aussi traduite pour en comprendre l'essentiel, en tout cas. Et qui va s'ouvrir d'ici un instant avec un titre que Max Romeo vient d'enregistrer et sortir, puisqu'il vient de sortir un nouvel EP, c'était en printemps dernier, le 18 mars précisément. Max Romeo Sings Classics, un nouvel EP sorti via Wise Records. Vous allez l'occasion d'en retrouver un extrait d'ici un instant. En effet, Wise Records a sorti ce maxi EP avec des versions nouvellement enregistrées de classiques, en effet comme son nom l'indique. Avec le groupe de tournée de Max lors d'une pause entre deux concerts en France et mixé pour cet EP par le légendaire producteur Denis Bovell, l'anglais, qu'on a retrouvé aussi aux côtés de LKJ notamment. Voilà, Max Romeo, voix pionnière du reggae roots, avec des chansons emblématiques dont on va aussi parler et écouter durant cette émission. Et on va l'entendre là en ouverture. Donc de cet entretien avec ce nouveau titre, donc sorti de et issu de ce Max Romeo Sings Classics sorti le 18 mars dernier, en hommage à John Holt, haute grande voix jamaïcaine du Lovers Rock, Reggae Lovers. John Holt décédé il y a une dizaine d'années de cela, et Max Romeo voulait précisément lui rendre hommage. Une légende donc parmi d'autres. Voilà pour cet hommage qu'on va retrouver d'ici un instant avec le titre No Place Like Home. Rencontre, interview auprès de Max Romeo sur le Forestival 2023. C'est d'ici un instant sur le 895 de Dieu. This is Max Romeo talking about Radio Dio, here to 9.5 FM. I always listen to Dio when I'm in France. Stay tuned, don't move that dial. No place like home, no place like home. Alright, there is no place like home. True. C'est parti pour moi. It's okay. Max Romeo. Bonjour. It's a great, great pleasure. Grand plaisir de vous rencontrer. Vous êtes une véritable légende. How are you? Comment allez-vous? Je vais bien. Ouais. Have you toured in France? Actually? Actuellement en tournée en France, en Europe. Je finis actuellement une longue tournée, The Ultimate Tour en 2023, comprenant 56 concerts à travers l'Europe. Et c'est vrai en grande partie en France. In Greece, I do Athens, come to Germany, go to England, and then the majority of shows was across France. So I'm just back for the festivals and close off for the year, you know. France and Europe, it's a good place for reggae music. Yeah, France, l'Europe et la France qui occupent une grande place pour le reggae. La France qui est vraiment à l'origine du retour et de la reconnaissance reggae roots, parce que l'Europe a été plutôt marquée par le son jamaïcain dancehall et plus grand chose se passait musicalement. Mais la France a saisi la qualité de cette musique, de son message, et ça se poursuit. The message music, like my music, and the people gravitate to it and here it is. I could sold out 50 something shows, you know. Yeah. So you know it's up and running. Yeah. And you're still here. Do you? Et vous êtes toujours là aujourd'hui. Faith. Et est-ce que vous gardez la foi dans la musique reggae? Music, reggae music. Yeah, because there's a new generation. Oui, il y a une nouvelle génération qui arrive, comme mes deux enfants, Azizi et Xana Romeo, qui m'accompagnent et tournent même avec moi. Et puis il y en a d'autres et ça continue. Very, very much accepted by the audience, and they do roots and culture. And there's quite a few other ones, you know. You have Aitana and Janine and these people do roots and culture. So it's up and going. Yeah. And you still record? Et vous toujours sur scène et en enregistrement également? On stage? Yes, matter of fact, I have an album to release. Oui, d'ailleurs, une sortie est prévue en octobre de cette année 2023. Donc, l'album The Romeo Legacy, une réinterprétation et une collection de versions inédites d'anciens titres entourés de nombreux artistes comme Cédric Maïtan et Sekongos, premiers invités de cette longue liste intergénérationnelle d'artistes qui donc rendent hommage ici. On retrouve Marcus Gadd, Marcia Griffiths, les enfants Romeo, Haikong, Harrison Stafford, Grandation, Julian Marley et d'autres encore. In October. October and November, it's your birthday, no? Sorti en octobre et en novembre, c'est votre anniversaire, non? And you are et oui. 79 this year, no? Je vais fêter mes 79 ans et j'aurai 80 ans l'an prochain. Right. You celebrate it? Yeah, I'm gonna ça va se célébrer, une grande fête. Yeah, I'm gonna have my 80th birthday. Have to be a big party. Yeah. Can you find a little time for me? Yeah. You gotta find time for Rastafari. Max Romeo sur Duo, 80 ans cette année, enregistré sur le Festival 2023. Un titre issu de cet album The Romeo Legacy, sorti en octobre 2023, A Little Time For We, featuring The Congos et Cédric Maïtan, bien sûr, aux côtés de Max Romeo. Yeah. Man should give praises when he rise up in the mornings. Yeah. He should give thanks for all he sees. Yeah. Learn to appreciate the beauty of his surroundings, the flowers, the birds, and the trees. Tell me now, can you find a little time for me? Yeah. Can you find time for Rastafari? Yeah. Can you find a little time for me? Gotta find time for Rastafari. Yeah. They say the rain don't fall in one man house, but and the sun shine for us all. Jah is not partial, he provides for everyone. Be he weak or be she strong. give us life and strength, wealth and knowledge. He protect us every day. Tell me now, can you find a little time for me? You gotta find time for us to fall around. Yeah, yeah, yeah. Can you find a little time for me? The mornings, yeah. He should give thanks for all he sees, yeah. Learn to appreciate the beauty of his surroundings. Well, the flowers, the birds, and the trees. Tell me now, can you find a little time? Find time for us to fly, right? Yeah. Can you find a little time? And how long for music activities? 80 ans donc bientôt, pour combien d'années d'activité artistique? Depuis toujours, mais j'ai commencé en fait en 1965 pour mon premier enregistrement, sachant que je me produisais déjà dans des hôtels, des clubs, en assurant des reprises entre 63 et 64. From 63 to 64, it was cabaret I was doing, you know, hotels and things like that. And then 65, I started recording. Yeah. You still live in Jamaica? Et vous vivez toujours en Jamaïque? Yeah. Oui, j'habite à Sainte-Catherine. Yeah. You are born in Sainte Anne. Vous êtes né à Sainte Anne, un lieu mythique et culte où ils sont nés également Marcus Garvey, Bob Marley, Burning Spear. That's right. And you? Yeah, I'm born three miles. Oui, c'est vrai. Je suis né à quelques pas de Bob Marley. Lui à Nine Miles et moi à Saint Dax dans la paroisse de Saint James. Oui, nous avons ça en commun. In town at the time, you know. I was born at Alexandria Hospital, that's in Charlton. So we have something in common. Yeah. You have 32 albums? Vous avez 32 albums à votre actif? I don't count, but people who count said yeah, je ne m'en souviens pas, ça fait longtemps, mais les personnes qui comptent totaliseraient 32 albums, ouais. You know. No, it's a long time, you know. But people have them and they talk about them, you know. It's incredible. Yeah, it should be about 32 by now. Yeah. Mm-hmm. Some of these LPs. Certains de ces albums sont cultes. Vous avez enregistré avec des producteurs légendaires qui ont sans doute contribué, comme Bunny Lee, Lee Scratch Perry, Tapazoki, Zoe Gibbs, sans parler des musiciens hors pair et incontournables de l'époque. Étaient-ce également des références pour vous alors? Yeah. Of course. And musicians who are legends here in France and in Europe. Yeah. It's your reference too? Well, yeah, you know, it's just a thing, like, you know, you just work towards something and it just happens. Tu sais, les choses sont juste arrivées comme ça. Tu travailles dur, c'est une lutte pendant de longues années pour arriver à ça. Aujourd'hui, pour le prochain album, notamment, ça reste le cercle proche. Et j'ai coproduit l'album, on a enregistré en France, à Paris, avec des musiciens qui ont eu l'occasion de m'accompagner pendant quelques années. L'équipe Irie Heights en avait déjà enregistré l'album Words from the Brave en 2019 avec eux, et Bacor Records l'avait soutenu à l'époque. With me and Michel Giovanni from Mediacom, we co-produced the album, you know. The rhythms was done in France, in Paris, with French musicians, you know, Sasha, Dominique, and these guys, Rico, you know, they're all French musicians. They were my backing band for quite a few years. So we did an album together called Words from the Brave. You know, Baco Records released that one. So we decided to just use the same musicians because they have the sound that I'm looking for to do these rhythms, you know. Et ce soir sur scène, ça se présente comment? Deux heures de set environ avec ces musiciens également? Musicians who are backing you tonight or for this Europe tour, European tour? No, this is my British band. Yeah, non, là c'est mon groupe anglais qui m'accompagne. Ils sont jamaïcains, l'original Jamax Band. Ils jouent depuis 27 ans et ils me suivent là pour finir la tournée sur les 5 ou 6 festivals d'été dans lesquels nous sommes programmés. Ils sont vraiment de bons musiciens, dont une fameuse bassiste réputée et efficace. So I had to put this band aside. So the tour is finished, and these festivals come about. I think it's about 6 festivals we have. I do 4, so this is going to make 5, so I have one more. Then I go back to Jamaica. But these are Jamaican musicians living in England. Yeah. There's a female bass player, well-known, that's Diane White, we call her D-Bass. You know, Fagan is a well-known drummer as well. You know, so they are good musicians. Un titre sorti le 18 juin dernier, Max Romeo, qui reprend cette version de Valley of Jehoshaphat qui était sortie sur l'album Open Varying Gates, dont on va reparler d'ici un instant, il y a quelques temps, quelques années. Une version avec Irie Eyes, Max Romeo. When Irie Eyes come from Bosra with his garment dipped in blood, I go red hot, red hot, red hot down in Jehoshaphat. Yeah. It I go red hot, red hot, red hot down in Jehoshaphat. Yeah. Like Robin Hood in Sherwood Forest, stealing bread for the poor. Irie Eyes red hot, red hot, red hot down in Jehoshaphat. It's red hot, red hot, red hot down in Jehoshaphat. Yeah, yeah. So Irie Eyes jam up, jam up, jam up down in Jehoshaphat. Yeah, yeah. Shall be in bed, and one shall be taken away. Irie Eyes red hot, red hot, red hot down in Jehoshaphat. Yes, Irie Eyes red hot, red hot, red hot down in Jehoshaphat. Yeah, I say jam up, jam up, jam up down in Jehoshaphat. When Irie Eyes come from Bosra with his garment dipped in blood. I want to ask you, je voulais vous demander, Max Romeo, savoir comment va la Jamaïque aujourd'hui, politiquement, socialement. I don't want to stay here and tell lies. It's not happening. Jamaica right now is going through. Je vais pas mentir. C'est pas une période facile. Et tout ce dont on rêvait et dont on a besoin n'est toujours pas arrivé. C'est tout ce que je peux dire sur mon pays. Mais j'adore mon pays et les gens qui y vivent. People, they're in turmoil. A lot of things is what is supposed to happen is not happening, and what is not supposed to happen is happening. You know, so that's all I can say about my country. But I love my country and I love my people, and that's why I live there, born there, raised there, live there. I ask you that because you have a lot of. Je vous demandais ça parce que vous aviez beaucoup d'espoir, notamment dès les années 70, quand vous aviez soutenu le parti de Michael Norman Manley, le PNP, le Parti National du Peuple, qui était alors dans l'opposition dans les années 70 et qui a utilisé votre titre, Let the Powerful On High, comme hymne de campagne lors des élections législatives, qu'il a alors remporté. Et des années après le changement, ce n'est toujours pas arrivé. Change are come or no? No, they're taking two steps backward, to be honest. Et non, pour être honnête, on a fait plutôt deux pas en arrière. Bon, je ne vais rien dire dans les détails sur le gouvernement, c'est le gouvernement, mais ils auraient dû faire un pas en avant, tu comprends? Je crois que j'ai chanté la réponse, non? I guess I should answer the question. Yes, okay. And bon, ok. Et vous, vous étiez engagé aussi et devenu une figure du mouvement Rasta. Qu'en est-il aujourd'hui en Jamaïque? And what about this today? Even Rasta today in Jamaica. Même les Rastas aujourd'hui en Jamaïque ont fait deux pas en arrière. Ils ne sont plus véritablement ensemble. Les anciens, les pionniers sont aujourd'hui décédés, mais les jeunes qui reprennent le flambeau ne respectent pas vraiment le protocole Rasta. Le dancehall a remplacé les cérémonies Yabingi du passé. On a fait deux pas en arrière, vraiment. Mais je ne sais pas. Peut-être dans le futur, les choses vont changer. Je l'espère. Certes, il y a une grande communauté Rasta encore aujourd'hui, mais qui n'est plus aussi rassemblés que par le passé, et nous avons besoin d'unité et ne pas être dans la critique ou oublier le positif. There's a lot of Rasta people today in Jamaica. Yeah, there's a big community. Yeah, there's a big community of Rastas, but like I said, you know, we're not gathering together like we used to in the past, you know. It's like every man for himself and Jah for us all. That doesn't bring about unity. And we need to be unified as a faith, you know. Some people criticizing, some people doing that. They're too busy looking at the negative and they forget the positive. I think that's what it is, yeah. Comme vous le disiez, j'ai vu des anciens il y a environ un mois en France avec la formation Inadi Hard. Est-ce que vous vous connaissez, j'imagine, et vous fréquentez surtout? You see them? Yeah, most of the time, you see Inadi Hard go through. Oui, oui, cela arrive. Cette formation créée à la base par le guitariste Earl Shiner Smith et Kay Desai, la formation a évolué et changé. Je ne sais plus qui en est vraiment aujourd'hui, mais c'est un bon mouvement mêlant poésie et Rasta, proposant quelque chose de très positif. You know. We spoke about politics. On parlait politique juste avant. Et je voudrais revenir sur cet épisode de l'époque album Revelation Time, produit par Cliff Hunt, édité en 75 par le label Soundtracks, dont plusieurs dirigeants étaient proches du régime de Norman Manley. Ce qui m'interroge sur votre démarche de connecter ou d'avoir connecté politique et musique avec tout ce que ça peut sous-entendre finalement de business, voire de corruption, comme on a pu le constater aussi. Soundtracks Limited was put. Eh bien, Soundtracks Limited était géré par un gars appelé Bacopa, qui fut aussi le porte-parole de Manley, et avec qui on traînait avec d'autres gens, et qui m'a impliqué dans l'enregistrement de l'album, qui plus tard est devenu Open Via Rengate. Mais ça n'avait pas vraiment à voir avec le politique, c'était juste une compagnie d'enregistrement, et c'est plus tard que le gars s'est engagé en politique et s'est accoquiné avec le gouvernement. D'ailleurs, la compagnie a splitté ensuite. Voilà l'histoire. And it didn't have anything to do with politics, really. The company was just basically a recording company. But after a while, the guy become involved with politics and decided to run for government, but it didn't work out, so he migrated. And the company break up. So I own my album, Revelation Time. I own that, you know. So that's the story, actually. Revelation Time, et oui, Revelation Time, qui est une pièce maîtresse, sans doute ma favorite, qui a fait l'objet d'une réédition augmentée fin 90, rebaptisée donc Open Viren Gate, 1973-1977, avec le label anglais Blood and Fire, et le très bon travail d'archives et de collecte d'inédits et raretés par Steve Barrow et son équipe. Est-il vrai que c'est seulement depuis cet album que vous avez enfin pu vivre de votre musique? Steve did a good job. Oui, c'est vrai, mais l'album fut très populaire à l'époque. Et Steve a fait un bon boulot. Et puis avec War in a Babylon, ce sont mes deux meilleurs albums, c'est sûr. It did good, you know. Is it true that since this album, you live with your music? Because before, it was very difficult. Is it true? Yeah. Between that album and War in a Babylon, those were my two best albums at the time. You know, it kind of helped put me back in the arena a certain way. Because people love the two albums, they love the tracks, you know, and they did well. Yeah. One step forward, two step backward. Down in a Babylon, one step forward, two step backward. Down in a Babylon. One day you are dreadlocks. Well, dread. Next day you are ballet. Clean shape. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Are you a commercial act? Grabbing at the cash box. This is a time of decision. Tell me what is your plan, yeah. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Straight is the road that leads to destruction. Righteousness is narrow. And let me tell you, say, indictive feelings ain't appealing. The truth is a fact. Tell me, are you a con man? Or are you a dreadlocks? Hey. One step forward, two step backward. Down in a Babylon, onward, forward. Step out of Babylon. Ooh yeah, ooh yeah. Na na na na na. Ooh yeah, ooh yeah. Na na na na na. The road is rough and the hill is steep. And let me tell you, say, the mountain is high and the valley is deep. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. Onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. One step forward, two step backward. Down in a Babylon. One step forward, two step backward. Down in a Babylon. This is Max Romeo talking about Radio Dio, 89.5 FM. I always listen to Dio when I'm in France. Stay tuned, don't move that dial. Down in a Babylon, one step forward, two step backward. Down in a Babylon, straight is the road that leads to destruction. I hear me when I say, righteousness is narrow. Oh yeah, oh yeah. Indictive feelings ain't happy. The truth is a fact. Tell me, are you a con man? Or are you a dreadlocks? Oh, onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon, onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon, one step forward, two step backward. Down in a Babylon, one step forward, two step backward. Down in a Babylon, onward, forward, don't step backward. Step out of Babylon. It's the ultimate tour. Est-ce vraiment le tour ultime, les dernières possibilités de vous voir en France et en Europe? I'll try to explain it. The ultimate tour tells you that at my age I shouldn't be doing 50 shows back to back. This is the last time, I'm not into that no more, but I'll always be around for the festivals. You know, that's the whole thing. Non, l'ultime tour se fait petit à petit, une cinquantaine de dates, et on verra au fur et à mesure à mon grand âge. Et c'est surtout l'occasion de célébrer ensemble et l'ensemble de ma carrière, et de voir que je rassemble des gens de 5 à 95 ans, c'est beau. Et même quand je vois les jeunes chanter Chase the Devil et d'autres titres, parce qu'ils ont pu l'entendre dans des jeux, des films, reprises ou samplés à de nombreuses reprises, notamment pour les titres Lucifer de Jay-Z et Out of Space de Prodigy, ce qui contribuait à en faire des titres très populaires. The root music, yeah. In a yard, one month ago here in France, you, but the elders, it's difficult to see them today here. It's far Jamaica from France and Europe. Yeah. Well, my fans range from 5-year-old to 95, you know. You come to my concert, you see little babies up front. Because my music is not profanity, there's nothing profane, you know. These are biblical chants, you understand. So, all young kids, I like to see them up front. I even go over and shake the hand sometime, you know. I mean, thump the fist, you know, the fist thing. Yeah, to show them that I appreciate them at such a tender age, being at my concert and singing Chase the Devil and things like that. My son is 12 and he's singing that. That's right, because he's in so many games and movies, and so many famous artists sample it. It's, you know, it's a very pop. Jay-Z did a good sample of it called Prodigy. Lucifer. Prodigy, quite a few artists did it. Yeah. So it's a very popular song all over. It's in a movie called Paul. There's another movie that is in. So with the games, you know, the kids learn off me and the song, mostly from the games. Mm-hmm. Just for finish, Max, what's juste pour terminer, Max Romeo, quel est justement le répertoire que vous allez pouvoir proposer sur un set comme ce soir au Forestival? With old songs and old classics. Exactly, it's a variety. I don't perform. Différents titres issus des différents albums. Oui, des classiques et autres, bien sûr. A cross section of my albums, different tracks, you know. Yeah. So that's what I'm on tonight. You know, Warner Babylon, Chase the Devil, Three Blind Mice, and from other albums, other tracks. And from Revelation Time too? Every Man Ought to Know, I think that's on it, yeah. Taku, yeah, I think I'm not too sure if the band play. Yeah, I think I did it. I think I do it. Yeah. Yeah. Thank you very much, Max. Them say Rasta confused. Him no know what he do. Them say Selassie is lost. But only Jaja have the last laugh, yeah. So Rasta don't get foolish and let the newsmen words fool you. Rasta just play cool and don't be a fool. For me, say ja-ja-ja-ja-ja-ja just a coolin'. And me say ja-ja-ja-ja-ja-ja just a watch them. And me say ja-ja-ja-ja-ja-ja just a coolin'. And me say ja-ja-ja-ja-ja-ja just a watch them. For them a taku, taku, taku. Them a taku, taku, taku. Them a taku, taku, taku. Them a taku, taku, taku. Them a taku, taku, taku. Them a taku, taku. Them say Rasta confuse. Him no know what he do. Them say Selassie is lost. But only Jaja have the last laugh yet. So Rasta don't get foolish and let the newsmen words fool you. Rasta just you laugh. Laugh at the Babylon them. For me say Jaja Jaja Jaja just a coolish. And me say Jaja Jaja Jaja just a watch them. And me say Jaja Jaja Jaja just a coolish. And me say ja ja ja ja ja ja just a watch them. And me say ja ja ja ja ja ja just a cool it. And me say ja ja ja ja ja ja just a watch them. And me say ja ja ja ja ja ja just a cool it. And me say ja ja ja ja ja ja just a watch them. For them a taku, taku. Dem a taku, taku, taku. Dem a taku, taku, taku. Dem a taku, taku, taku. Dem a taku, taku, taku. Dem a taku, taku, taku. Dem a taku. Taku, voilà un titre qui figure sur cet album dont on a très largement parlé durant ces 31 avec Max Romeo, enregistré donc l'an dernier sur le Forestival, édition 2023. Une légende de ces derniers vétérans du reggae grande période, 70s, avec, vous l'avez entendu, eh bien, ce titre issu de Open the Iron Gate, qui reprend en effet ce fameux opus Revelation Time sorti via Blood and Fire 73-77 pour ces années clés. Max Romeo, donc, on a pu entendre cette version-là, ainsi que, bien sûr, le One Step Forward qui ouvre cet album-là aussi légendaire, War in a Babylon, Max Romeo, les Upsetters, enregistré par le grand producteur Lee Scratch Perry. Et transition toute faite de par un des titres proposés durant cet entretien. Vous l'avez entendu, Cedric Myton des Congos sur A Little Time for We, titre de l'album The Romeo Legacy. Sorte d'hommage, Max Romeo qui revisite des classiques avec bon nombre d'invités. On l'a évoqué en ouverture de cet entretien, sorti à l'automne 2023. Et bien précisément, les Congos, là aussi d'autres vétérans, ils se font rares désormais, bien sûr, parce que vieillissant et du mal à parfois quitter la Jamaïque et assurer quelques tournées en Europe et en France. Mais voilà, la liaison et transition est toute faite, puisque là aussi, légendaire groupe produit par Lee Scratch Perry dans son légendaire studio, le Black Ark, avec qui ils ont travaillé pour leur premier album en 77, Earth of the Congos, qui a été d'ailleurs réédité là aussi par Blood and Fire en 96. Ils avaient retravaillé avec Lee Scratch Perry avant qu'il ne disparaisse aussi, mais ça c'est la fin des années 2000, 2009, 2010. Ils avaient à nouveau en effet enregistré avec Lee Scratch Perry, Blood and Fire, qui avait aussi sorti une sorte d'album concept autour du Redeem de Fisherman, titre bien sûr emblématique de Earth of Congos. Voilà, les Congos seront en concert sur cette édition 2024 du Forestival. Voilà, du reggae toujours de grande qualité entre 23 et 24. Je le disais, la transition est toute faite entre Max Romeo et les Congos, Congos et Gladiators, qui sont programmés et qui se produiront le samedi après-midi du côté du Forestival. C'est donc à Trelin, bien sûr, ces premiers 2, 3, 4 août, sur les différentes scènes du Forestival. Toutes les infos sur forestival.com, je vous le disais. Allez, on va terminer ce programme des sons sensibles avec une dernière proposition musicale. avec une découverte et artiste plutôt inconnu, donc ça va être l'occasion de le découvrir ensemble en guise de générique de fin de ce programme. Je vais vous proposer de retrouver Toufik alias Tif, cet artiste programmé dans le cadre de ce festival Forestival, artiste originaire d'Alger vivant aujourd'hui en France. Une sorte de documentaire qui retrace son parcours, son exil, son déracinement, et tout cela qu'il aborde également au travers de ses compositions, de ses chansons, de ses albums. Il évoque et raconte, notamment dans son dernier opus, la construction ici en France. Tout cela mêlé de nostalgie aussi, nostalgie du quartier, des siens, d'Alger. Tif, donc, que l'on va écouter en guise de générique de fin, avec une version là aussi presque live, Nothing Personal de Tif, avant de le retrouver sur la scène pleine ce vendredi après-midi à partir de 19h50. Voilà, c'est la toute fin de ce programme des Sons Sensibles. On se retrouve demain, je le disais, pour les Universités des Terres avec la radio primitive cousine de Reims, cycle de conférences, sorte d'université d'été récemment enregistrée. Et vous retrouverez donc ces diffusions, rediffusions entre ce mardi et ce jeudi dans le créneau du 12-13, 19-20 et le lendemain en matinale dès 8h bien entendu. Restez à l'écoute. Allez, on termine avec Tif ce programme en vous souhaitant une très belle fin de journée à l'écoute du 89.5 de Dio. Ciao, bye. Il y a moins de verres tombant chez moi, plus qu'un veut lasser. Moins de verres dans tes yeux, quand t'as les pupilles dilatées. Elle voulait rentrer dans mon cœur, mais ne peut pas le pirater. Tu trouves que j'ai la gueule du mec qui va te courir après. Je suis loin de chez moi, je veux max de seuil. Je déraille, je veux pas de se bête, je veux ton pétard, je veux pas de je t'aime. J'ai déjà de l'amour par le tel, le soir fatigué de d'elle. Elle passe le test sans même savoir, je lui casse le. En me disant que c'était pas la perle rare. Je pars pour pas te faire de mal. C'est nothing personal, juste une affaire de mal. Mon avenir vers le large, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Mon cœur est de l'autre côté de la mer Méditerranée. Prisonnier à l'air, libre comme mon palais. Tini viennent te faire mal, pourtant pas espice. J'suis dans le sud de l'Est, pas un faux qu'un salaire. Tip, il m'faut une paire d'as pour pas que le cœur pique. Prisonnier à l'air, un peu plus nuancé, tes souvenirs j'en ai fait des loupes. Quand ça va pas trop je m'y enferme. On se fait du mal même si on s'aime. Même si on s'aime, crois pas que la somme influence. Si je te sens pas jamais on signe. Plus je suis fort, plus je suis imposable. Plus je vends cher la science. T'as plusieurs fois c'était qui on sait. Non je suis pas ta clientèle. Quand je fatigue je prends l'avion. Je pars ou la passion si on s'aime. J'attends le soleil, les puces s'enchaînent. Je me sens prisonnier à l'air, libre comme en palais. Tini viennent te faire mal, pourtant pas espice. J'suis dans le sud de l'Est, pas une faux qu'un salaire. Jeep, il me faut une paix d'as pour pas que le cœur pique. Prisonnier à l'air. My brother and sister.